وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ensuite, certes, la parole la plus véridique est le livre d'Allah. Et certes, la meilleure des voies à suivre est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses est la nouveauté. Toute nouveauté dans la religion est innovation. Toute innovation est égarement et tout égarement mène à l'enfer. Ayyuha al-ikhwatul kiram, ceci est notre 27e rencontre parmi les rencontres de notre noble série Marahil al-Dar al-Akhirah, étape vers la demeure dernière. Et nous avions certes, lors de notre dernier discours, entamé et commencé nos propos et débuté nos paroles et nos discours concernant les grands signes de la fin du monde, alamatus sa'atil kubra. Et nous avions ainsi affirmé et déclaré que le premier grand signe parmi les grands signes de la fin du monde n'est autre que Zuhur al-Masih al-Dajjal, l'apparition d'Al-Masih al-Dajjal, le faux Messie. Nous avions ainsi apporté des preuves et décrit ses caractéristiques physiques et expliqué le lieu et le moment de sa sortie et de son apparition. Et nous avions laissé à aujourd'hui et à notre rencontre de ce jour le discours concernant les choses et les capacités et les moyens hors du commun et les pouvoirs surnaturels qu'Allah tabaraka wa ta'ala accordera à Al-Masih al-Dajjal, qu'Allah jalla wa ala lui permettra d'effectuer afin que notre Seigneur et notre Créateur jalla wa ala éprouve qui il veut de ses serviteurs. Ainsi, ayyuha al-ikhwatul kiram, prêtez attention et écoute à ce que nous allons vous dire. Wallahu tabaraka wa ta'ala al-mas'oul أن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde la sincérité et qu'il nous guide vers la vérité dans nos paroles et nos actions. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. أيها الأحبة في الله. Ainsi, après les années de famine et après ces années de sécheresse, des années que nous a informé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, que subiront les gens pendant 3 années consécutives, sortira et apparaîtra Al-Masih al-Dajjal, comme nous a informé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, selon An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Al-Masih al-Dajjal viendra appeler des gens qui croiront en lui et qui répondront à son appel et qui accepteront son discours. Il ordonnera au ciel de faire tomber la pluie et il pleuvra. Et il ordonnera à la terre de faire pousser son herbe et elle poussera. Qui est-ce qui ordonne? Al-Masih al-Dajjal. Mais qui est-ce qui fait et qui agit? Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est l'action d'Allah jalla wa ala. Et ceci est effectué par la permission d'Allah azza wa jalla. Mais Allah jalla wa ala accordera et permettra d'effectuer ceci à Al-Masih al-Dajjal afin d'éprouver ses serviteurs. Et ainsi sera égaré celui qu'Allah jalla wa ala égarera et sera guidé et raffermi celui qu'Allah jalla wa ala raffirmera. Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam nous dit: il ordonnera au ciel de faire tomber sa pluie et il pleuvra. Et il ordonnera à la terre de faire pousser son herbe et elle poussera. Puis leurs bestiaux, c'est-à-dire les bestiaux de ces gens qui auront cru à Al-Masih al-Dajjal, les bestiaux des gens qui auront suivi et qui auront répondu à son appel, reviendront à la fin de chaque jour de pâturage, plus haut de taille, et plus gros de volume, et plus gros de mamelles, et plus large de flanc. Naam, ils auront suivi Al-Masih al-Dajjal et ils auront cru en lui. Et ils auront répondu à son appel et ils auront comme récompense qu'ils auront un plus gros bétail. Et ils auront de la pluie et leur pâturage et la végétation poussera de la terre. Puis Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam nous dit, puis Al-Masih al-Dajjal reviendra appeler de nouvelles personnes, de nouveaux gens qui ne répondront pas en lui et qui n'auront pas foi en lui et qui ne le suivront pas et qui n'accepteront pas son discours et son prêche. Une nouvelle catégorie de personnes qui n'est guère comme la première. Ils ne suivront pas Al-Masih al-Dajjal et ils ne croiront pas à Al-Masih al-Dajjal et ils ne seront pas tentés par Al-Masih al-Dajjal. Puis le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, et alors Al-Masih al-Dajjal, lorsqu'il les aura abandonnés, ces gens se retrouveront le lendemain touchés par la pauvreté et plongés dans la misère et plongés dans la nécessité et dépourvus et privés de leurs biens, de leurs ressources et de leurs richesses. Pourquoi ? Car ils auront refusé de suivre Al-Masih al-Dajjal. Car ils n'ont pas voulu croire en Al-Masih al-Dajjal. Ils seront alors privés de leurs richesses et de leurs ressources. Et ils seront alors plongés dans la pauvreté et la misère. Une épreuve pour eux. Et un test pour eux. Allah ne nous a-t-il pas dit « أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ » Les gens croient-ils que nous allons les laisser dire « Nous croyons » et qu'ils ne seront point éprouvés ?« وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ » Alors que nous avons éprouvé ceux qui les ont précédés. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Allah saura ainsi celui qui s'est montré véridique et celui qui était menteur. Et Allah nous dit وَنَبَلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَ تُرْجَعُونَ Et nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation et d'épreuve. Et c'est vers nous que se fera votre retour. Ainsi ils seront éprouvés. Et ainsi ils seront tentés, et ils seront plongés dans la misère et la pauvreté, et ils seront touchés par la nécessité et le besoin, et ils seront privés de leurs ressources et de leurs biens. Na'am. Puis Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous dit, puis Al-Masih al-Dajjal passera devant une terre aride, un sol aride, sec, qui à l'origine ne donne aucune plantation et aucune végétation. Puis il s'écriera et il dira « Fais sortir tes trésors !» Et alors tous les trésors sortiront et le suivront par foule comme les mâles des abeilles. Une épreuve pour les croyants, ayyuha l'ikhwa. Une épreuve pour les serviteurs d'Allah. Une épreuve qu'Allah jalla wa ala apportera aux croyants pour voir ceux qui seront véridiques et sincères et ceux qui seront menteurs. Et ainsi il sortira Al-Masih al-Dajjal et il éprouvera les créatures d'Allah. Il les éprouvera avec de la pluie et avec de l'eau. Il les éprouvera avec des richesses et avec des biens et avec des trésors et avec du gros bétail et du pâturage. Na'am. Et ainsi croiront en lui ceux qui croiront en lui. Mais certes ceux qui croiront en lui mais croiront en Allah Azza wa Jal. Pourquoi ? Car il n'y a pas d'autre créateur excepté Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et car Allah Jalla wa Ala est le seul qui donne la subsistance. Et car Allah Jalla wa Ala est lui l'unique sans associé, Al-Wahid Al-Ahad. Alam tara anna Allah anzala min as-sama'i ma'a fatusbihu al-ard mukhdarra. Inna Allah latifun khabir. N'as-tu pas vu qu'Allah fait descendre du ciel une eau et la terre devient alors verte? Allah est certes compatissant et parfaitement connaisseur. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Combien de bestiaux ne peuvent pas se subvenir à eux-mêmes? Allah subvient à eux. Allah leur donne leur subsistance ainsi qu'à vous. Et c'est lui le parfaitement entendant et connaisseur. Et Allah nous dit أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَتُخْرِجُ بِهِ زَرَعًا فَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ Ne voit-il pas que nous faisons descendre une eau vers un sol aride, sec, et alors sort une culture que consomment leurs bestiaux et eux-mêmes? Ne voit-il donc pas? Ainsi, il n'y a pas d'autre créateur en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. et c'est lui le seul qui donne la subsistance, et c'est lui le seul le donneur. Écoutez ces versets, ayyuhal ikhwa, ces versets clairs et nobles. Allah Jalla wa Ala nous dit, Amman khalaqa as-samawati wal-ard. Amman khalaqa as-samawati wal-ard. وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليل ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre? N'est-ce pas lui qui vous fait descendre une eau du ciel avec laquelle nous faisons des jardins pleins de beauté? Et vous n'étiez nullement capable de faire pousser leurs arbres. Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais ce sont les gens qui lui donnent des égaux. N'est-ce pas lui qui a établi la terre en tant que lieu de séjour? N'est-ce pas lui qui lui a placé des rivières à travers cette terre et qui lui a assigné des montagnes fermes? N'est-ce pas lui qui a établi entre les deux mers une séparation? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé lorsqu'il l'invoque? N'est-ce pas lui qui repousse le mal? Et n'est-ce pas lui qui vous fait succéder sur terre génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais c'est rare que vous vous rappeliez. N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et la mer? N'est-ce pas lui qui envoie les vents, une annonce précédant sa grâce et sa miséricorde? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Qu'Allah soit élevé au-dessus de ceux qui lui associent. N'est-ce pas lui qui commence la création, puis qui la refait? N'est-ce pas lui qui vous nourrit du ciel et de la terre? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Qul ya Muhammad, dis-le, apportez une preuve si vous êtes véridique. Allahu Rabbi, la uridu siwahu, hal fil wujudi haqiqatun illahu, al-shamsu wal-badru, min anwari hikmatihi, wal-barru wal-bahru, fawdun min atayahu, al-tayru sabbahahu, والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يحتف له حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. الله mon Seigneur, je ne veux pas autre que lui. Y a-t-il dans la création une vérité autre que lui? Le soleil et la lune, de sa sagesse sont des lueurs. La terre et la mer demeurent parmi ses faveurs. L'oiseau et la bête le glorifient, et les vagues proclament sa grandeur. Les poissons demandent son secours, et les fourmis sous des rochers sont des sanctifières. Et les abeilles dans leur isolement demeurent des loueurs. Mais les gens lui désobéissent publiquement, et il les cache alors. Le serviteur oublie, mais non mon Seigneur. Les gens seront ainsi éprouvés avec ce que rapportera Al-Messih Ad-Dajjal comme tentation, ayyuhal ikhwa. Il leur apportera la pluie et l'eau. Il leur apportera les richesses et les trésors. Il leur apportera le pâturage et le bétail. Et ainsi, ils auront oublié que tout ce que fait cela et que le seul qui puisse faire cela n'est autre qu'Allah, leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Naam, ils seront tous éprouvés et ils seront tous tentés et ils seront tous égarés, excepté les croyants véridiques et sincères. Excepté les croyants pleins de conviction et de certitude. Naam, Al-Mughira ibn Jundub, radiallahu anhu, un jour, questionna le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et leur dit, Ya Rasulallah, il a été dit qu'Al-Masih al-Dajjal détiendra des montagnes de pain et de viande, ainsi qu'une rivière d'eau. Al-Habib al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit en lui disant, Wa ma dhalika ala Allahi bi'aziz. Et ceci n'est pour Allah d'aucune difficulté. Ceci n'est pour Allah d'aucune difficulté. Al-Qadi Iyad, rahimahullah, nous explique cette phrase et il nous dit la parole du prophète, alayhi salatu wa salam, « Wa ma dhalika ala Allahi bi'aziz » Et ceci n'est pour Allah d'aucune difficulté, signifie que la tentation et l'épreuve d'Al-Messih al-Dajjal sur les croyants véridiques et sincères sera faible et impuissante face au fait de vouloir douter les croyants véridiques et sincères. Et ainsi, Allah Jalla wa Ala n'aura aucune difficulté à raffermir les croyants véridiques et sincères face à cette épreuve. Wa ma dhalika ala Allahi bi'aziz. Wa l'imam al-Hafid ibn Hajar rahimahullah nous dit que la phrase wa ma dhalika ala Allahi bi'aziz, et ceci n'est aucune difficulté pour Allah, ne doit pas être prise au sens réel, mais elle doit être prise au sens virtuel. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala jettera un sort sur les gens, résistera le croyant et s'égarera le mécréant. Naam. Et ainsi les gens seront plongés dans le besoin. Les gens seront plongés dans la misère. Et ils seront conduits vers la mécréance, wal'iyadu billah. Car malheureusement, la pauvreté peut conduire à la mécréance. Et c'est pourquoi parmi les invocations du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, il demandait protection et refuge auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala contre la pauvreté et la mécréance. Car la pauvreté peut conduire malheureusement à la mécréance, wal'iyadu billah. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, nous a informé dans un hadith. Et il nous dit, je jure par Allah, wallah, je connais et je sais ce que possède Al-Masih al-Dajjal, plus que lui ne le sait lui-même. Allahu Akbar. Le prophète alayhi salatu wa salam sait et connaît plus ce que possède comme chose et comme moyen Al-Masih al-Dajjal plus que ne le sait lui-même. Puis il nous dit, il apparaîtra avec lui deux fleuves courants, un fleuve réellement vu d'eau pure et un autre réellement vu de feu flambant. Puis il nous dit, si l'un de vous atteint le fleuve de feu, qu'il baisse sa tête, puis qu'il ferme ses yeux et qu'il boive de son eau sera de l'eau fraîche. Ce sont les paroles de qui? Ce sont les propos de qui? Del Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam. Alladhi la yantiqu an al-hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas sous l'effet de la passion et c'est une révélation qu'on lui inspire. Naam, car certes la raison et l'esprit rejettent cela. Comment? Un fleuve de feu et un fleuve d'eau, et si on boit du feu, ce sera de l'eau fraîche. Naam. Car nous les musulmans, nous acceptons les paroles authentiques de la part du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah et alayhi salatu wa salam, même si ces paroles dépassent la raison et l'esprit. Et ainsi nous devons faire passer avant le livre d'Allah et azzawajal et les informations de la sunna du messager d'Allah et alayhi salatu wa salam si celles-ci sont authentiques. Et ainsi il nous dit, et wallah, je sais ce qu'Al-Masih al-Dajjal possède comme capacité plus qu'il ne le sait lui-même. Il apparaîtra avec lui deux fleuves courants, l'un réellement vu d'eau pure, l'autre réellement vu de feu flambant. Si l'un de vous atteint le fleuve de feu, qu'il se baisse et qu'il ferme les yeux et qu'il boit de son eau sera de l'eau fraîche. Naam. Et dans une autre version, et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, selon Abi Umamah al-Bahili, selon Hudayfah ibn al-Yaman, radiallahu anhu. Et dans une autre version, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit « Al-Masih al-Dajjal apparaîtra avec de l'eau et du feu. Son eau sera du feu et son feu sera de l'eau. Ne périssez pas !» Et dans une version authentique de l'imam Ahmed, il nous dit « Celui qui rentre dans son fleuve, c'est-à-dire celui qui rentre dans son fleuve d'eau pure, celui qui rentre dans son fleuve, sa punition sera obligatoire et ses bonnes actions seront annulées. » Et celui qui rentre dans son feu, ses bonnes actions seront obligatoires et ses mauvaises actions seront annulées. Une épreuve ajib, ayyuhal ikhwa, une épreuve terrible pour les croyants et les serviteurs à cette époque. Mais l'épreuve continue à grandir. Et le test s'intensifie. Et la tentation grandit, ayyuhal ikhwa, jusqu'à ce qu'Al-Masih al-Dajjal prétendra et présumera pouvoir ressusciter les morts. Et il prétendra être capable de décréter la vie et la mort. Naam ayyuhal ikhwa, comme il a été rapporté dans un hadith ajib, rapporté par l'imam Ibn Majah, dans ses sunan et authentifié par Sheikh al-Albani, selon Abi Umamah al-Bahili radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, et parmi ces épreuves, il appellera un bédouin et il lui dira, vois-tu si je te ressuscitais ton père et ta mère? Attesterais-tu que je suis ton seigneur? Et alors le bédouin répondra, oui. Et alors deux diables se tiendront debout devant ce bédouin, et ils auront pris l'image de son père et de sa mère, et ils lui diront: suis-le, mon fils, car c'est ton Seigneur. Et alors il suivra Al-Masih Ad-Dajjal et il deviendra mécréant en Allah et Azzawajal. Naam, les diables seront servis, les diables seront au service d'Al-Masih Ad-Dajjal. Et il travaillera avec ses diables afin d'égarer les gens et afin de tenter les gens et de les rendre mécréants en Allah. Naam, ils prendront l'image et l'apparence du père et de la mère de ce bédouin, qu'ils lui diront: suis-le, mon fils, c'est ton Seigneur. Et ainsi il suivra Al-Masih Ad-Dajjal et mécroira en Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ayo al-ikhwa, celui qui donne la vie et celui qui donne la mort n'est autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay' subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah est celui qui vous a créé, puis qui vous donne la subsistance, puis qui vous fait mourir, puis qui vous fait revivre. Est-ce qu'il y a parmi vos associés quelqu'un qui fait cela? Gloire à lui et qu'il soit élevé de tout ce qui lui associe. Et Allah nous dit: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Comment vous pouvez mécroire en Allah alors que vous étiez mort? Et il vous a fait vivre, puis il vous a fait mourir, puis il vous refera revivre, puis vous serez de retour vers lui. Ainsi Allah Jalla wa Ala est le seul capable de décréter la vie et la mort, et le seul capable de ressusciter les morts. Mais Allah Jalla wa Ala donnera des pouvoirs Al-Masih Dajjal afin qu'il égare ses serviteurs. Et regardez ce hadith ajib, ayyuhal ikhwa, un hadith rapporté par l'imam muslim. Selon Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsqu'Al-Masih Dajjal apparaîtra, l'un des croyants se dirigera afin de le rencontrer et afin de l'affronter. Et alors il partira afin de l'affronter et de le rencontrer, mais il fera face aux hommes armés d'Al-Masih Dajjal. Il fera face à ces hommes armés qui lui diront: où te diriges-tu? Il leur dira: je me dirige afin de rencontrer celui qui vient de paraître. Naam. Il aura des hommes armés, la police d'Al-Masih Dajjal. Il aura des hommes armés, des renforts et des gardes et des gardes du corps qui le protégeront et qui le défendront. Lorsque Al-Masih Dajjal apparaîtra, l'un des croyants se lèvera afin d'affronter celui qui vient de paraître. Et il rencontrera, il fera face aux hommes armés d'Al-Masih Dajjal qui lui diront: où te diriges-tu? Il dira: je suis en route afin d'affronter et de rencontrer celui qui vient de paraître. Et alors ils leur diront, alors ils lui diront: ne crois-tu pas en notre Seigneur? Ils veulent dire par là Al-Masih Dajjal: ne crois-tu pas en notre Seigneur? Et alors le croyant dira: Allah a certes saisi ce que vous venez de dire. Ne crois-tu pas en notre Seigneur? Il leur dira: Allah a certes saisi ce que vous venez de dire. Et alors quelqu'un dira: tuez-le. Puis les uns se diront les uns les autres: notre Seigneur ne nous a-t-il pas interdit de tuer quelqu'un avant qu'on lui informe? Et à ce moment-là arrivera Al-Masih Dajjal. Il arrivera. Et alors le croyant s'écriera en appelant les gens et en leur disant: Ayyuhannas, c'est le Messie Dajjal dont nous a informé le messager d'Allah et alayhi salatu wasalam. Et il a mentionné son nom. Puis Al-Masih Dajjal ordonnera qu'on étende cette personne et ce croyant sur ses chevilles. Et il ordonnera à ses hommes armés de le frapper et de le blesser à la tête. Ils le frapperont violemment sur son dos et sur son ventre. Puis Al-Masih Dajjal lui demandera: ne crois-tu pas en moi? Et alors il dira, le croyant lui dira: innaka al-masih al-kadhdhab, innaka al-masih al-dhalal, tu es le messie de l'égarement, tu es le messie menteur et imposteur. Et alors Al-Masih Dajjal ordonnera qu'on le tranche en deux parties. Il ordonnera à ses hommes armés avec une scie qu'on le tranche à partir du milieu de sa tête jusqu'à séparer ses jambes. Et alors Al-Masih Dajjal, devant les gens, marchera entre les deux parties de son corps. Puis il reviendra et il s'adressera au croyant mort et il dira: Koum, lève-toi. Et le croyant se tiendra debout devant lui. Et alors il s'adressera au croyant et lui dira: ne crois-tu pas en moi? Et lui dira: ceci ne m'a augmenté que de la clairvoyance, que de la foi. Et alors les gens verront cela. Et Al-Masih Dajjal voudra alors encore le frapper. Mais le croyant s'écriera et dira aux gens: Ayyuhannas, il ne pourra pas torturer quelqu'un après moi. Et alors, le Messie Dajjal voudra l'égorger, mais on lui armera du cuivre entre sa clavicule et son cou. Il ne pourra pas l'égorger. Et alors, le Messie Dajjal prendra ses pieds et ses mains et le jettera au loin. Et les gens penseront, et les gens croiront, et les gens verront qu'il l'aura jeté dans le feu. Mais wallah, il aura été jeté dans le paradis Al-Jannah. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, et ce croyant est le meilleur martyr auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le meilleur martyr auprès du Seigneur, des Seigneurs Rabbul Arbab. Et tout ce qui est fait par ceci, tout ce qui est fait, ayyuha l'ikhwa, n'est fait et accompli que par la permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala, afin d'égarer et afin de tester ses serviteurs, ceux qui seront sincères et ceux qui seront hypocrites et menteurs. Étonnement et stupéfaction, ayyuha l'ikhwa. Tout ceci est en fait effectué par Allah. Ainsi, Al-Masih Ad-Dajjal prétendra en premier lieu être prophète. Puis il ira jusqu'à prétendre être créateur et seigneur. Et il aura la possibilité de faire pleuvoir, et de pousser la végétation des plantes, et de faire grossir le pâturage. Puis après cela, il prétendra décréter la vie et la mort. Comme vous avez entendu dans le hadith précédent, une épreuve, ya Allah, terrible pour les serviteurs qui vivront à cette époque. Et ne résistera à cela qu'une personne qui aura la foi forte, qu'une personne qui aura la foi élevée, qu'une personne qui sera accrochée à sa religion. Car certaines personnes peuvent entendre ces paroles et se dire qu'ils pourront résister à cette tentation. Que certes, Al-Messih Dajjal est quelqu'un dont nous a informé le prophète alayhi salatu wa salam, et on pourra ainsi résister à son tentation. Mais certes, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a interdit aux gens de rencontrer Al-Messih Dajjal. Comme nous l'a dit le prophète alayhi salatu wa salam, celui qui entend parler d'Al-Messih Dajjal, qu'il s'écarte de lui. Pourquoi? Car une personne pourra aller à sa rencontre en prétendant et en croyant qu'elle a une foi élevée, et en voulant juste par curiosité le voir, et elle suivra à cause de ses tentations et ses épreuves. À un tel point que son épreuve et sa tentation est élevée, ayyuha l'ikhwa. Et dans le recueil authentique de l'imam muslim, selon Shuraik radiallahu anha, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, certes les gens s'enfuiront dans les montagnes à cause de la tentation d'Al-Masih Dajjal. Son épreuve sera tellement énorme que les gens seront obligés de s'enfuir dans les montagnes. Et alors Shuraik radiallahu anha demande alors le prophète alayhi salatu wa salam, ya Rasulallah, où est-ce que les Arabes seront à ce temps-là? Et alors il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, ils seront rares. Et elle a dit cela car il est connu que chez les Arabes de l'ancien temps, ces Arabes étaient courageux et étaient prêts à faire face aux dangers et aux épreuves. Mais nous, nous disons une chose, ceci, il y a fort longtemps, et il y a une grande différence entre les Arabes d'avant et les Arabes de nos jours. Wallahu al-musta'an. L'épreuve d'Al-Messih Dajjal est ainsi énorme. Beaucoup d'hommes et de femmes le suivront, mais ceux qui le suivront le plus, Al-Nisa. Les femmes le suivront le plus. La plupart des partisans et des adeptes d'Al-Messih Dajjal seront les femmes. Et également la plupart des partisans et des adeptes d'Al-Messih Dajjal seront les meurtriers des messagers et les ennemis des prophètes. Comme ceci a été rapporté dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission bonne selon Othman ibn Abi al-As, radiallahu anhu. Il nous dit, avec lui, 70 000 personnes équipées d'armes et de vêtements. La plupart de ceux qui le suivront seront les meurtriers des messagers et ennemis des prophètes et les femmes. Car chez beaucoup de femmes, malheureusement, la foi est faible, ainsi que la raison et la religion, et la plupart du temps, elles ne résistent pas face aux épreuves, sauf celles à qui Allah Jalla wa Ala a accordé sa miséricorde. Et dans certaines versions, à l'époque d'Al-Messih Dajjal, l'homme retournera chez sa femme et ses proches, et il attachera alors les femmes de sa famille de peur qu'elles se fassent éprouver par Al-Messih Dajjal. Et dans le recueil de Silsilat al-Sahiha, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, les gens suivront Al-Messih Dajjal, ils auront le visage plat tel un bouclier. Et sachez, ayyuha l'ikhwa, que les meurtriers des prophètes et les ennemis des messagers appelleront Al-Messih Dajjal bi Ibn Daoud, fils de Daoud, et ils croiront qu'il sortira vers la fin des temps et que son royaume atteindra la terre et la mer et que les fleuves couleront avec lui et que ce sera un miracle parmi les miracles d'Allah. Et qu'il leur rendra leur royaume. Mais ils ont en fait menti, wallah, dans leurs prétentions. Car, wallah, Al-Messih Dajjal n'est qu'Al-Messih Dalala, le Messie de l'égarement. Et Allah reposera les gens de son égarement et de sa tentation par Messih Al-Huda, le Messie de la guidée, Isa ibn Maryam, alayhi salatu wassalam. Et l'affaire d'Al-Messih Dajjal a été également citée par le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dans un hadith ajib, un hadith qui, wallah, fait perdre la raison. Un hadith rapporté par l'imam Muslim et d'autres savants également. Selon Fatima bint Qaysin radiallahu anha, celle-ci nous dit, Un jour, j'ai entendu le crieur du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, appeler à la prière en commun, as-salatu jami'a. As-salatu jami'a, la prière en commun. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il voulait rassembler et réunir les compagnons pour une affaire très importante, il ordonnait à Bilal, radiallahu anhu, d'appeler les gens à la prière en commun, as-salatu jami'a, afin que les gens écoutent la nouvelle et afin que les gens profitent et apprennent la science. Et alors Fatima bint Qaisin radiallahu anha nous dit, j'ai entendu le crieur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam appeler à la prière en commun, as-salatu jami'a, la prière en commun. Et alors je me suis sorti de chez moi et je me suis dirigé vers la mosquée du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, et j'ai prié derrière lui. Et une fois la prière achevée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est assis sur le minbar en riant. Puis il dit, que chacun garde sa place de prière. Que chacun reste à sa place de prière. Puis il dit, savez-vous pourquoi je vous ai réunis? Les plus polis d'entre eux dirent, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son prophète sont plus savants. Et alors il dit, et wallahi, je ne vous ai pas réunis ni pour une exhortation, ni pour un avertissement. Mais je vous ai réunis car un compagnon du nom de Tamim al-Dari m'a informé d'un récit qui correspond à ce que je vous ai raconté à propos d'Al-Masih al-Dajjal. Le prophète alayhi salatu wassalam s'apprête ainsi à leur raconter le récit que lui a raconté ce compagnon, un homme qui était chrétien et qui a prêté allégeance et qui s'est converti à l'islam. Tamim al-Dari, radiallahu anhu, qui lui a raconté un récit qui correspond à ce qu'il avait raconté à ses compagnons à propos d'Al-Masih al-Dajjal. Puis il dit, il me raconta ainsi qu'un jour il embarqua un jour avec 30 hommes parmi les gens de l'Akh Mouajoudem. L'Akh Mouajoudem sont deux tribus arabes connues. Il embarqua avec 30 hommes de ces tribus, et alors que les vagues les ont malmenés pendant un mois complet, ils se réfugièrent et ils s'abritèrent dans une ville, dans une île. Et ils s'arrêtèrent sur cette île jusqu'au coucher du soleil. Et ils s'installèrent dans le fond de la barque. Puis, ils sortirent de la barque et rentrèrent dans l'île jusqu'à ce qu'ils rencontrèrent soudainement une bête. Une bête velue, aux poils épais. Elle avait tellement de poils que l'on ne distinguait ni son derrière de sa tête. Et alors ils dirent, « Waïlaki, men anti ? Malheur à toi, qui es-tu ? » Et alors il dit, « Anal jassas, je suis l'espionne. » Et alors il dit, « Wamal jassas, et qui est l'espionne ?» Et alors elle dit, « Ayyuhal qawm, ô vous les gens de ce peuple, ayyuhal qawm, partez vers cet homme qui se trouve dans cette demeure. Il est certes désireux d'écouter vos propos. » Et alors, le compagnon dit au prophète, alayhi salatu wassalam, et alors nous prirent peur de cette bête, en la soupçonnant d'être un diable, car elle avait une telle apparence. Puis nous nous sommes hâtés, puis nous nous sommes dépêchés, nous nous sommes hâtés d'aller voir cet homme, et nous sommes alors partis vers cet homme, et nous sommes rentrés dans cette demeure, et nous voilà alors devant un homme, robuste et fort, fermement ligoté, les mains liées à son cou, enchaîné avec des chaînes de fer à ses genoux et à ses chevilles. Et alors nous lui dîmes, « Waïlaka man ant ? Malheur à toi, qui es-tu ? » Et alors il dit, « Vous avez été certes informé à mon sujet, mais vous, qui êtes-vous ? » Et alors nous lui racontâmes, « Nous sommes des Arabes, et nous avons embarqué en mer avec 30 parmi les gens des tribus arabes connues. Puis des vagues nous ont malmenés pendant un mois complet jusqu'à ce que nous nous réfugiâmes et nous nous abritèrent sur cette île. Nous nous sommes installés ainsi dans le fond de la barque. Puis nous sommes sortis de cette barque et nous sommes rentrés dans l'île jusqu'à ce que nous rencontrâmes une bête velue aux poils épais, jusqu'à ce que nous ne distinguions pas son derrière de sa tête. Puis nous lui dîmes, Waïlaki men anti, malheur à toi, qui es-tu? Et elle nous le répondit, An al-Jassas, je suis al-Jassas, je suis l'espionne. Et on lui dit, Wam al-Jassas, et qui est l'espionne? Et elle dit, Ayyuhal Qab, ô vous les gens de ce peuple, partez voir cet homme qui se trouve dans cette demeure et qui est certes désireux d'écouter vos propos. Et alors nous nous sommes hâtés de se diriger vers toi afin de savoir ce que tu voulais entendre. Et alors l'homme enchaîné de fer leur répondit, et leur demanda: informez-moi quant au palmier de Baïsen. Informez-moi quant au palmier de Baïsen. Et alors ils lui répondirent: et qu'est-ce que tu veux en savoir? Il dit: est-ce que ces dattiers portent des fruits? Ils lui répondirent: oui. Et il dit: certes, ils sont sur le point de ne jamais plus donner de fruits. Puis il leur demanda: informez-moi quant au lac de Tibériade, un lac connu. Ils lui dirent: et qu'est-ce que tu veux en savoir? Il leur demanda: est-ce qu'il a de l'eau? Ils leur répondirent: oui, il est abondant en eau. Et il dit: son eau va certes s'épuiser. Puis il demanda encore une fois: informez-moi quant à la source Zoural, un endroit en Syrie. Est-ce que ces gens arrosent des plantes avec l'eau de cette source? Et ils lui répondirent: oui, elle est abondante, et ces gens arrosent les plantes avec cette eau. L'homme questionna de nouveau: informez-moi sur le prophète des analphabètes et sur ce qu'il a fait. Informez-moi sur le prophète des analphabètes et sur ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il posait et qu'il questionnait sur Al-Habib al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui répondit: il est sorti de Mecca et il est descendu à Yathrib, à Al-Madinah. Et il dit: est-ce que les Arabes l'ont combattu? Ils lui répondirent: oui, ils l'ont combattu. Et il demanda: qu'a-t-il fait à leur propos? Ils lui répondirent: il a rencontré ses autres voisins arabes qui lui ont obéi. Et alors l'homme leur demanda: est-ce que cela s'est effectivement passé? Ils lui répondirent: oui. Et il dit: certes, il est mieux pour eux de lui obéir. Puis l'homme leur dit: quant à moi, je vous informe que je suis Al-Masih Dajjal. Quant à moi, je vous informe que je suis Al-Masih Dajjal, mais je n'ai pas encore reçu l'ordre de sortir. Lorsque j'aurai reçu cet ordre, je paraîtrai en traversant la terre où je descendrai et séjournerai 40 nuits à chacune des villes, à l'exception de Mecca wa Taïba. Et Taïba, c'est ce qui correspond à Al-Madinah. À l'exception de Mecca wa Taïba, à chaque fois que je voudrais entrer et pénétrer dans chacune d'elles, je me retrouverai en face d'un ange, une épée dégainée à la main qui me repoussera. Et en plus de cela, à chacun des endroits de ces deux villes, il y aura des anges qui les garderont. Fatima bint Qays radiallahu anha nous dit, le prophète alayhi salatu wa salam ala, dit en tapant son bâton sur son minbar: hadihi tayyiba, hadihi tayyiba, hadihi tayyiba, voici tayyiba, voici tayyiba, voici tayyiba. Ne vous avais-je pas déjà informé de cela? Et alors les compagnons radiallahu anhum dirent oui. Puis le prophète alayhi salatu wa salam conclut: le récit de Tamim al-Dari radiallahu anha ainsi raconté m'a plu, car c'est ce que je vous avais raconté au sujet du récit de Mecca ou Al-Madinah. Puis le prophète alayhi salatu wa salam pointa avec sa main vers l'Orient et il informa qu'Al-Masih al-Dajjal sortira par là-bas. Comme nous l'avons dit la semaine dernière, il sortira d'une région appelée Khurasan, dans une région de Perse, entre l'Iran et l'Afghanistan. Et ce hadith ajib est surnommé par les gens de science Hadith al-Jassasa, le hadith de l'espionne, et il a été rapporté par l'imam Muslim et par d'autres savants. Et comme vous avez entendu, Al-Masih al-Dajjal est ainsi en ce moment même emprisonné dans une île. Et il va bientôt sortir, et l'humanité est réellement en danger extrême. Et certes, elle devra se préserver de cet égarement et de cette tentation et de cette épreuve. Une épreuve qui arrivera et qui est proche. Quel est donc le moyen de s'en sortir? Quel est donc le moyen de s'en échapper de cette épreuve et de s'accrocher à sa foi et sa religion? La réponse à Yualikhwa, juste après la pause. As'alullah jalla wa ala an yunajjiana min fitnati al-Masih al-Dajjal wa an yarzuqana al-ikhlas wa al-sawab innahu wa liudhalika wa al-qadiru alayh. Et en tenant ces propos, j'implore son pardon pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah wa salatu wa salamu ala man la nabiya ba'dah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام, quelqu'un peut se poser cette question suivante: quelle est l'issue et quels sont les moyens de se protéger et d'être préservé de la tentation d'Al-Masih Dajjal? Et alors nous disons qu'il y a plusieurs moyens afin de s'en sortir et de s'en échapper, qu'il faut apprendre, ayyuhal ikhwa. Le premier moyen n'est autre que la justesse Et le dogme correct et la croyance juste en Allah tabaraka wa ta'ala, al-aqidatu sahiha. Il faut ainsi obligatoirement en premier lieu s'assurer de notre croyance en Allah et s'assurer de notre foi en Allah al-wahid al-ahad. Et ainsi d'avoir une foi juste. Car man tawakkala alayhi kafah, wa man aqradahu a'tah, wa man fawwada al-amra ilayhi hadah, wa man i'tasama bihi najah. Car celui qui place sa confiance en lui, Allah lui suffira. Et car celui qui lui prête de bonne grâce, Allah lui rendra. Et car celui qui confie son sort, Allah le guidera. Et car celui qui s'accroche à Allah, Allah le sauvera. Naam, une bonne aqidah, une aqidati juste et authentique, et un dogme et une croyance ferme en Allah tabaraka wa ta'ala. Comme nous avons dit la semaine dernière, le prophète alayhi salatu wa salam nous a informé qu'entre les deux yeux d'Al-Masih al-Dajjal est écrit kafir, mécréant. Mais nous pourra le lire, excepté tout croyant, qu'il sache ou qu'il ne sache pas lire. Ainsi la condition est al-iman al-sadiq, la foi véridique en Allah tabaraka wa ta'ala. Et ayu al-ikhwa, la foi n'est pas une phrase répétée par la langue, mais la foi est une vérité avec des responsabilités. La foi n'est ni un désir, ni un nom, ni un appel, mais la foi est que ce qui réside dans les cœurs et ce qui est justifié par les actions et les paroles. Et ce, afin d'accepter toutes les informations venant d'Allah et du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et afin de pouvoir appliquer les préceptes d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc une parole par la langue, et une croyance dans le cœur, et des actions par les membres du corps. La croyance en Allah, jalla wa ala, est ainsi la base. Et elle est ainsi l'issue de tous les problèmes de la vie et de l'au-delà. Et elle est ainsi le gilet de sauvetage, comme Allah nous dit, wa kadhalika nunjil mu'minin. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Et nous avons sauvé qui? Ceux qui croyaient et qui crédient Allah. Ainsi, الْعَقِيدَةُ صَحِيحَةُ, la bonne aqida, le bon dogme de croyance, nous permet d'être préservés d'Al-Masih al-Dajjal. Le deuxième moyen, أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْكِرَامُ, parmi les actions qui nous sauveront d'Al-Masih al-Dajjal, la multiplication de la demande de refuge et de protection auprès d'Allah et Azza wa Jal, suivant la sharia du prophète alayhi salatu wa salam, contre la tentation d'Al-Masih al-Dajjal. Car certes, nous ne pourrons pas être préservés d'Al-Masih al-Dajjal que si l'on demande à Allah Jalla wa Ala le refuge et la protection. Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam demandait protection contre l'épreuve d'Al-Masih al-Dajjal à la fin de chaque prière, à la fin de chaque tashahhud. Obligatoire ou surérogatoire. Et la dua est Allahumma inna na'udu bika min azab jahannam, wa min azab al-qabr, wa min fitnat al-mahya'i wal-mamat, wa min fitnat al-Masih al-Dajjal. Nous demandons protection auprès de toi contre le châtiment de la tombe, et contre le châtiment de l'enfer, et contre les épreuves de la vie et de la mort, et contre les épreuves d'Al-Masih al-Dajjal. Le prophète, alayhi salatu wa salam, enseignait cette invocation à ses compagnons, comme il leur enseignait une sourate du Coran. Et dans un hadith, il nous dit, un hadith rapporté par l'imam muslim selon Abi Huraira, lorsque l'un d'entre vous termine son dernier tashahhud, qu'il demande refuge et protection auprès d'Allah de quatre choses, du châtiment de l'enfer, et du châtiment de la tombe, et des épreuves et des tentations de la vie et de la mort, et des épreuves d'Al-Masih al-Dajjal. Jusqu'à ce que certains savants disent que cette invocation, certains savants pensent et affirment que cette invocation est une obligation parmi les obligations de la prière. Et jusqu'à ce que Taous, rahimahullah, un des tabi'in, un des successeurs des compagnons, ordonne à son fils de recommencer la prière car il avait oublié de prononcer cette invocation. Ainsi, cette invocation, ayyuha al-ikhwa, est très importante. Et tu te dois, ayyuha al-akh, de demander protection contre ces quatre choses, le châtiment de l'enfer et le châtiment de la tombe, et les épreuves de la vie et de la mort, et les épreuves d'Al-Masih al-Dajjal, dans n'importe quelle prière, surérogatoire ou obligatoire. Le troisième moyen, ayyuha al-ikhwa, parmi les moyens d'être échappé de l'épreuve d'Al-Masih al-Dajjal, apprendre sourate al-kahf entièrement ou une partie. Et la preuve en est le hadith rapporté par l'imam muslim. Selon Abi Darda radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui apprend 10 versets du début de sourate al-kahf sera sauvé de l'épreuve d'Al-Masih al-Dajjal. Celui qui apprend 10 versets du début de sourate al-kahf sera sauvé de l'épreuve d'Al-Masih al-Dajjal. Et dans la version de Abi Umama, authentifiée par Cheikh al-Albani, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui a été éprouvé par son feu qu'il demande secours à Allah et qu'il récite sur lui le début de Sourate Al-Kahf, car ce sera pour lui un secours contre son épreuve. Et dans une autre version authentique, celui qui apprend 10 versets de la fin de Sourate Al-Kahf, et dans une autre version authentique, celui qui apprend 10 versets, et il n'a pas cité ni le début ni la fin, celui qui apprend 10 versets de Sourate Al-Kahf, Allah le protégera de l'épreuve d'Al-Masih Dajjal. Et on peut se demander, ayyuhal ikhwa, tout d'abord, pourquoi alors ne pas apprendre la sourate tout en entier? Ce n'est pas difficile pour nous, ayyuhal ikhwa. Allah Jalla wa Ala nous a facilité l'apprentissage et le rappel du Coran. Nous avons facilité le Coran pour la méditation. Y a-t-il donc quelqu'un pour réfléchir? Mais quelqu'un peut se demander, quelle est la sagesse d'avoir choisi Sourate Al-Kahf afin d'être protégé et préservé d'Al-Masih Dajjal? Certains savants, rahimahumullah, nous disent, la sagesse en cela est qu'Allah Jalla wa Ala nous a cité au début de Sourate Al-Kahf le récit de ces jeunes croyants qui ont préservé leur religion et qui ont fui le tyran transgresseur, et ils ont fui et se sont réfugiés dans la caverne Al-Kahf afin de préserver leur religion. Et ce récit est tout à fait assimilable au récit que se passera lorsque le Messie Dajjal arrivera et que les gens s'enfuiront dans les montagnes afin de préserver leur religion et d'échapper à sa tentation. Et ainsi, ceci est assimilable. Et il a été dit également par les savants que la sagesse d'avoir choisi Sourate Al-Kahf est d'être un secours contre l'épreuve de cette tentation, est que son début, dans son début de cette sourate, nous pouvons lire des versets et des choses étonnantes, telles que le cœur du croyant résistera devant cette épreuve. Et certes, dans le Coran, nous trouvons des trésors et des richesses afin de s'accrocher à notre religion. Le quatrième moyen, ayyuhal ikhwa, de sortir et d'être échappé de l'épreuve d'Al-Masih Dajjal, se réfugier dans l'une des deux villes, Mecca ou Al-Madina. Qu'Allah les honore, car comme nous l'avons entendu, Al-Masih Dajjal ne pourra pas pénétrer dans l'une d'elles. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous a informé dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique, selon Junadah ibn Abi Umayyah, radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam cita Al-Masih Dajjal et dit, son royaume atteindra tout endroit, mais il ne pourra pas pénétrer dans quatre mosquées. Masjid al-Hajr al-Aswad, la mosquée de la pierre noire, Masjid al-Haram, wa Masjidi, et ma mosquée, c'est-à-dire la mosquée du prophète alayhi salatu wa salam, wa Masjid al-Aqsa wa Tuwa. Et sache que si la personne n'est pas croyante en Allah, n'a pas la vraie croyance et la vraie foi, et ne s'accroche pas à sa religion, même si elle se trouve dans Mecca ou Al-Madina, elle ne sera pas préservée dans le Messie Dajjal. Car Allah Jalla wa Ala sait ce qui contient les cœurs et les poitrines. Et il ne pourra pas être préservé de l'épreuve d'un Messie Dajjal, même s'il vit dans ces deux villes sacrées. Écoutez cet étonnant hadith. Le long hadith de Abi Umamah al-Bahili, authentifié par Sheikh al-Albani, et qui se trouve également dans les sunnans de l'imam Ibn Majah. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, Al-Masih al-Dajjal approchera de Mecca et de l'Madina, la terre tremblera à trois reprises. La terre tremblera à trois reprises. Pas un hypocrite ni une hypocrite ne restera alors. Tous le suivront. Et il purifiera alors la ville, comme le feu purifie les impuretés du fer. Et ce jour sera appelé Yawmul Khalas, le jour de la purification, et la plupart des personnes qui le suivront seront des femmes. Un hadith authentique du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Ainsi voici les quatre moyens qu'il faudra appliquer, ayyuhal ikhwa, si vous voulez être préservé et si vous voulez qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous sauve de l'épreuve d'Al-Masih Dajjal. Et enfin, ayyuhal ikhwa, Al-Masih Dajjal n'est pas le voyant Ibn Sayyid, celui qui fut au temps du prophète alayhi salatu wa salam, comme certains savants ont prétendu. Et une question est souvent répétée chez les gens. Comme Al-Masih Dajjal est à ce point dangereux et son épreuve est à ce point énorme, pourquoi n'a pas-t-il été évoqué dans le Coran? Pourquoi Allah Jalla wa Ala ne l'a pas cité dans le Coran? Et alors la réponse est qu'il faut certes regarder dans l'interprétation des versets du Coran. Comme nous ont dit les savants interprètes du Coran, rahimahumullah, Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah nous dit, Allah Jalla wa Ala a cité Al-Masih Dajjal dans le Coran. Dans sourate Al-An'am, Allah nous dit, يَوْمَ يَأْتِ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ. Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant et qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Quelle est la preuve de cela? Dans le recueil de l'imam muslim, il faut savoir, ayyuhal ikhwa, que la sunna vient interpréter le Qur'an et vient expliquer le Qur'an. Dans le recueil de l'imam muslim, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit à propos de l'interprétation de ce verset, trois choses. Lorsqu'elles sortiront et lorsqu'elles apparaîtront, la foi à la personne ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant. Et il nous dit le prophète alayhi salatu wa salam, Al-Masih al-Dajjal wa dabba wa tulu' al-shams min maghribiha. Al-Masih al-Dajjal et la bête et le lever du soleil à l'occident. Lorsqu'elles arriveront, elles ne seront bénéfiques à aucune personne qui n'aura pas cru auparavant. Telles sont les informations concernant Al-Masih al-Dajjal, ayyuha al-ikhwa. Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, nous a donné également une deuxième réponse à cette question. Il nous dit, Allah Jalla wa Ala a cité Isa ibn Maryam, alayhi salat wa salam, dans le Coran. Et ceci est une chose connue et certaine. Et le prophète, alayhi salat wa salam, a informé qu'Al-Masih al-Dajjal sera tué par Isa, alayhi salat wa salam, comme nous l'entendrons lors de notre prochaine rencontre. Il fut donc suffisant de citer, comme il nous dit, rahimahullah, il fut donc suffisant dans le Coran de citer un des deux opposés. Al-Masih al-Huda, Isa alayhi salatu wa salam. Voici ainsi les deux réponses de l'Hafid ibn Hajar rahimahullah à cette question. Wal-Imam al-Baghawi nous dit dans son interprétation du Coran à propos de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate Ghafir, la khalqu as-samawati wal-ard akbaru min khalqi an-nas. Certes, la création des cieux et de la terre sont plus grandes, à plus grande que la création des gens. Il nous dit an-nas ici désigne Al-Masih al-Dajjal. Et ceci rentre dans la citation d'une partie sur un tout. Et ceci rentre dans la science de l'interprétation du Qur'an. Comme cela, ayyuhal ikhwatul kiram, c'est comme cela qu'apparaîtra Al-Masih al-Dajjal. Avec ce qu'Allah Jalla wa Ala lui aura accordé comme moyen hors du commun et comme pouvoir surnaturel, qui seront une épreuve pour les serviteurs d'Allah Jalla wa Ala, sera égaré celui qu'Allah voudra qu'il soit égaré, et sera raffermi celui qu'Allah voudra raffermir. Naam, et il restera ainsi sur terre 40 jours, un jour tel une année, et un jour tel un mois, et un jour tel une semaine, et les autres jours comme les nôtres. Naam, ayyuhal ikhwa. Et certes le suivront les faibles de foi, ainsi que ceux dont le cœur est malade, ainsi que les hypocrites et les mécréants et les associateurs. Ils croiront en lui, et ils seront alors mécréants en Allah Jalla wa Ala. Et résistera celui qu'Allah Jalla wa Ala donnera la résistance, et les personnes à la foi élevées ainsi que le dogme juste. Ceux qui auront al-aqidatu sahiha, ceux qui se seront accrochés à leur religion, ceux qui auront la foi véritable en Allah et qui auront suivi la sunnah du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, seront ainsi préservés. Mais il arrivera un temps, ayyuhal ikhwa, où les croyants seront tellement en grande difficulté et seront tellement éprouvés par ce Messie Dajjal qu'ils fuiront et qu'ils s'enfuiront et qu'ils seront en difficulté. Viendra alors an-nasr, viendra alors la victoire, viendra alors le renfort. Et Isa ibn Maryam, alayhi salatu wassalam, afin de tuer Al-Masih al-Dajjal et afin de reposer l'humanité du mal de ce tyran et de ce mécréant, nous parlerons de ce discours, bi'idhnillah jalla wa ala, dans un peu moins d'un mois, si Allah jalla wa ala nous prête la vie et nous permet sa rencontre. Inna huwa li dhalika wal qadiru alayhi wa as'alullah jalla wa ala an yunajjiana min fitnati al-masih al-dajjal. Je demande à Allah jalla wa ala qu'il nous préserve de sa tentation et de son égarement, et qu'il nous accroche à sa religion, et qu'il nous raffermit par la parole ferme dans la vie présente ainsi que dans l'au-delà. Et ainsi, je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de moi ou de Shaytan. Et je tiens à demander à Allah Jalla wa Ala qu'il évoque en bien dans ses grandes assemblées et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager Ar-Rasul il-Mujtaba wa al-Nabi il-Muntaqa, ainsi qu'à ses compagnons, ses bien-aimés et sa famille et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière louange, ayyuhal ikhwa, notre dernière invocation, que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.